sur le vif. Écoutez. Je voudrais un survêtement pour mon mari. Quelle taille fait-il? Je ne sais pas exactement. Combien mesure-t-il? 1m80. Et il pèse? 75 kilos. Alors une taille 5 devrait bien lui aller. Il est plus fort que moi. Il est de la même taille que vous, mais il est plus mince. Répétez. Je voudrais un survêtement pour mon mari. Quelle taille fait-il? Je ne sais pas exactement. Combien mesure-t-il? 1m80. Et il pèse? 75 kilos. Alors une taille 5 devrait bien lui aller. Il est plus fort que moi. Il est de la même taille que vous, mais il est plus mince. Écoutez. Pouvez-vous me donner les dimensions de ce meuble? Bien sûr, madame. Combien fait-il de long? 1m50. Et de largeur? 60 cm. Et quelle hauteur? 1m10. Je pensais qu'il était plus grand. Merci, madame. Répétez. Pouvez-vous me donner les dimensions de ce meuble? Bien sûr, madame. Combien fait-il de long? 1m50. Et de largeur? 60 cm. Et quelle hauteur? 1m10. Je pensais qu'il était plus grand. Merci, madame. Écoutez. Si nous voulons être à Paris pour dîner, à quelle heure faut-il que nous partions? Vers 5 heures. Si tôt? Combien de kilomètres y a-t-il d'ici à Paris? Environ 200 kilomètres. Mais on risque d'avoir du monde à l'entrée de Paris. Répétez. Si nous voulons être à Paris pour dîner, à quelle heure faut-il que nous partions? Vers 5 heures. Si tôt? Combien de kilomètres y a-t-il d'ici à Paris? Environ 200 kilomètres. Mais on risque d'avoir du monde à l'entrée de Paris.